Merci beaucoup, Rachel. Donc, c'est vraiment parfait. On a du temps pour discuter jusqu'à la pause. Je trouve extrêmement intéressant de prendre cette question métisse plus tard qu'on ne l'étudie habituellement, c'est-à-dire de regarder les choses à partir des années 50, alors que les premiers travaux ont plutôt travaillé sur, comme tu le disais, la première génération. Donc, les jeunes filles dont tu parles là, en fait, ont été éduquées à la fin des années 30. Elles ont une vingtaine d'années. Et c'est vraiment une autre approche encore de cette question. Donc je vais tout de suite passer la parole à la salle pour une première série de questions. Bonjour, donc Stéphanie Morando, je travaille au CNRS et je voulais poser une question plus particulièrement à Violaine Tissot, savoir où elle avait eu ses sources sur les métis. J'ai une question à poser, mais qui est un peu liée à des souvenirs pas très clairs que j'ai du livre d'Emmanuel Saada et qui s'adresse aux deux dernières communicantes. Parce que j'ai souvenir qu'Emmanuel Saada dit quelque part que pour l'administration coloniale, enfin pour le colonisateur, ça fonctionne un peu comme à l'inverse de la one drop rule aux États-Unis. Ça veut dire qu'une goutte de sang blanc crée le blanc quelque part, et donc ça m'avait intéressée, mais je voudrais savoir si vous retrouvez aussi cette problématique dans vos études sur le métissage. Donc, Rebecca Rogers, je m'adresse à Fabio Jaumi, que j'ai trouvé vraiment fascinant de découvrir un autre terrain colonial, si on veut. Ça m'a fait un petit peu penser à ce que Michael Browers a fait sur la France en Italie, oui. Dans la période napoléonienne. Mais là, j'ai vraiment une des questions précises. Il me semble que vous avez en partie répondu, mais on perd beaucoup de choses quand on écoute. C'est sur les enseignants dans cette école de jeunes filles musulmanes. Si j'ai bien compris, c'est des hommes qui font l'enseignement religieux. Mais quelles sont les caractéristiques des autres femmes? Et est-ce que... moi, dans d'autres terrains, on voit le rôle de femmes justement pour créer ces écoles. Là, j'ai l'impression que c'est surtout des hommes, des autorités qui mettent ça en place. Et de quelle manière ils font vraiment venir? L'école que j'étudie en Algérie, on paye les familles pour qu'ils viennent. Donc, vous avez parlé de la manière dont on en cherche à amadouer les élites, donc des préciseurs. Et une autre question un peu de contenu aussi. J'étais surprise de voir l'école normale, on s'éloigne des contenus de l'école primaire. Là, c'est exactement le contraire en France. Vraiment, l'école normale en France renforce tous les enseignants. Donc c'est intéressant qu'il y ait ce décalage. Et si vous pouvez commenter ça. Merci, Giovanna Trento. J'ai des questions pour vous, les mêmes questions. L'accès aux écoles pour métis, il faut avoir des témoins qui les papas étaient français, ou ça dépend de la couleur de la peau, etc. Et l'accès à la nationalité française, même chose. Et bon, en Érythrée, les îles italo-érythréennes sont une minorité visible et ont la tendance à rester en couple avec les italo-érythréens parce qu'ils sont très stigmatisés dans la société locale, etc. Donc, dans votre terrain, est-ce qu'il y a cette tendance? J'ai l'impression, pas vraiment en West Africa. Voilà. Merci. Peut-être une dernière question et puis ensuite voilà, une question, il y en aura d'autres après. Je vous passe la parole et puis Camille, vous. Ou s'il n'y a que deux, pour l'instant, on prend les deux et voilà. J'ai une question pour Fabio Jaumi. Vous avez parlé de l'élite musulmane et de son implication dans l'éducation des filles musulmanes. Est-ce, peut-être que je n'ai pas bien compris s'il s'agissait de toutes les filles musulmanes ou si elles appartenaient à une classe sociale en particulier. J'ai mal entendu la première partie de la question, excusez-moi. Puisque vous avez parlé de l'élite musulmane et de son implication dans l'éducation des filles, je me demandais, ou peut-être parce que je n'ai pas bien entendu, s'il s'agissait de toutes les filles musulmanes ou d'une catégorie sociale en particulier. Moi, j'ai une question à propos du métissage. Je voulais savoir, ça, peut-être, enfin, je ne sais pas si ça existe ou alors c'était très rare, mais est-ce que vous avez des exemples d'enfants métis issus d'une union entre une femme blanche et un père Comme quoi, Camille, vous n'êtes pas la seule à vous poser la question. Les intervenants et intervenantes peuvent peut-être répondre. Oui. Et s'il y a d'autres questions ensuite, je donnerai de nouveau la parole à la salle. Tout à fait. Donc, on va dans l'ordre. Alors, en ce qui concerne les enseignantes, alors, qui populaient cette école, bah, il faut rappeler que quand les Autrichiens arrivent à Bosnie-Herzégovine, il n'y avait pas encore enseignants compatible avec les standards de autrichiens, parce qu'il faut dire que les Tanzimates, elles étaient presque, donc les mouvements réformistes ottomans n'étaient presque jamais arrivés en Bosnie. Les bègues, donc l'élite terrière bosniaque, avait passé le 19e siècle assez révoltée, et donc disons qu'on a juste la dernière phase pendant les années, fin des années 50 et 60, de réformisme ottoman qui arrive un petit peu dans cette périphérie nord, disons, de l'Empire, mais c'est difficile d'en trouver les traces de ces réformismes ottomans. Donc, manquer complètement les cadres. Donc, au début, qu'est-ce qu'on fait ? On importe, disons, les personnels de la Lika, de la Croatie, de la Dalmatie, surtout. Donc, on fait arriver des enseignantes femmes des autres provinces slavophones, serbo-croatophones de l'Empire, qui donc ont été importées en Bosnie. Et ce qui est intéressant, à mon avis, je n'ai pas eu le temps de le toucher, mais que cet nouveau cadre d'enseignante qui serbe, c'est Učiteljica, devient vraiment, efface complètement celle qui était, jusqu'à ce moment-là, l'enseignante du milieu musulman, qui était la boula, qui avait des compétences religieuses. C'était la figure qui gérait la liturgie islamique du côté des femmes. Par exemple, pendant un funérail, les hommes vont faire leur rite dans l'espace public. Les femmes à la maison avaient cette boula, cette figure qui était un peu l'évatrice. Je pense qu'on dit comme ça en français. Celle qui aide... Sage-femme, voilà, parfait. Elle était à la frontière entre les deux figures, disons que cette figure, la boula, était complètement délégitimée de l'enseignement. Ça, c'est un autre élément intéressant si on parle des enseignantes. Oui. Les femmes ne sont pas actives dans la création parce qu'elles sont, elles viennent d'ailleurs, c'est vraiment les autres. Exactement, elles sont les autres. Et cette absence, disons, de cette élimination de l'éducation civique et de langues étrangères, à mon avis, elle est produite de l'interaction, du processus de formation de cette école. Donc, il fallait respecter les peurs, tu vois. D'un côté, l'ambition à la modernisation de l'élite musulmane locale, mais aussi ses peurs. Donc, l'idée que ces femmes pouvaient devenir comme des femmes françaises, qui, je suis désolé pour vous, étaient l'antimodèle définité sur les journaux bosniaques comme à cette époque-là. Et donc, comment dire, l'élite musulmane, même celle pro-éducation féminine, marquait dans une façon très claire le fait que les femmes ne devaient pas sortir de l'espace communautaire. Ça, c'est très clair. Trois, les catégories sociales. Oui, je n'ai pas eu le temps de le toucher. Disons qu'on trouve des femmes très différentes. On trouve les filles de l'aristocratie terrière musulmane, donc les filles de Zaga, de Beg, donc des grandes familles qui ont été cooptées au niveau politique. Et donc, comme Benjamin Kall a écrit même dans une lettre, ces familles-là étaient forcées à envoyer les enfants, leurs gamins et leurs jeunes filles dans les écoles d'État. Plus ou moins, c'était forcé, parce que ça faisait partie de la cooptation. Les Autrichiens, ils avaient fait la même chose avec les élites hongroises avant, donc ils avaient pas mal d'expérience dans ce domaine-là. En plus, il y a un autre élément, il y a ce qu'on peut rappeler bourgeoisie urbaine en formation. Donc on assiste vraiment à la fin du 19e et surtout à partir des années 10 à les corporations ottomanes qui, surtout à travers les contacts, moi j'ai remarqué ça, à travers les contacts avec les administrateurs, les militaires, décident à un moment donné de s'approprier, de status de la bourgeoisie européenne, décident d'envoyer les filles à l'école. Ce sont surtout, des filles qui viennent de familles de couturiers qui travaillaient pour les Autrichiens. Il y a pas mal de cas. Donc, c'est vraiment les contacts avec les administrateurs qui est un vecteur puissant d'intégration dans les écoles. Oui. Merci. Oui. Violaine ? Alors, sur les sources... Je vais parler plus largement de ma thèse et pas spécifiquement de ce papier. Donc il y a toutes les archives de l'ancien gouvernement général de Madagascar qui se trouve à Aix-en-Provence, avec un dossier qui s'appelle notamment « Enfants métis » et qui traite essentiellement de la législation. Donc là, il y a beaucoup d'informations. Après, j'ai aussi consulté les archives missionnaires, étant donné qu'il y avait deux œuvres catholiques qui recueillaient les métis. J'ai dépouillé les registres de l'État civil européen. Il y a toutes les listes de noms de métis qui sont devenus citoyens français. Il y a aussi les dossiers d'accès à la candidature qui sont aussi riches. Voilà. Et j'ai aussi fait la littérature et j'ai aussi fait une série d'entretiens, de recueils de récits de vie auprès de descendants de métis. Voilà. Alors ensuite, sur les travaux d'Emmanuel Saada et le fait qu'une goutte de sang blanc crée le blanc, quand on regarde la législation, effectivement, il y a des décrets qui ont été pris, enfin c'est le sujet du livre d'Emmanuel Saada, il y a des décrets qui ont été proclamés dans les différentes colonies françaises pour permettre aux métis d'accéder à la citoyenneté française sur jugement, par le tribunal, pas une décision administrative comme ça l'est pour, là je vais parler de malgaches, pour les autres malgaches. Enfin, à Madagascar, en tout cas, donc le décret est pris en 31, et c'est un décret extrêmement libéral. C'est-à-dire que en AOF, il faut une possession d'État. Donc, il faut d'abord passer par l'administration pour prouver son état de métis, pour que ça passe ensuite au jugement. Et à Madagascar, il n'y a pas cette démarche. Et par ailleurs, c'est ouvert à tous les métis d'origine européenne et pas seulement française, comme c'est le cas en Indochine. Voilà, donc à Madagascar, c'est assez... c'est pas forcément très facile, mais en tout cas, c'est plus facile que dans d'autres colonies françaises pour les métis d'avoir accès à la citoyenneté française. Après, ça, c'est sur la législation. Dans les représentations sociales et la vie au quotidien, je suis pas sûre qu'une goutte de sang blanc fasse que les métis soient considérés comme des Européens par les autres Européens ou par les Malgaches. Ensuite, il y avait la question sur l'accès aux écoles pour les métis. Alors... à Madagascar, l'école des enfants métis, elle est créée seulement en 1942, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle s'appelle l'école des enfants métis, mais en réalité, elle est ouverte à pas seulement aux métis. Donc il y a un certain nombre de malgaches qui ont accès et aussi un certain nombre de réunionnais donc, qui viennent de l'île voisine. Voilà, et je n'ai pas trouvé de... Et c'est pareil, les œuvres religieuses... j'ai pas trouvé en fait quels étaient, enfin qu'est-ce qui justifiait qu'on les prenne sur le, voilà, sur quelle base, je saurais pas répondre. Voilà. Alors à Madagascar, comme en Érythrée, je sais plus qui a posé la question. Oui aussi. Il y a un certain nombre d'unions très durables effectivement qui se concluent pas forcément par un mariage devant l'état civil, mais il y a des Européens qui restent toute leur vie, enfin voilà, 30 ans, 50 ans, avec leurs concubines malgaches et qui restent là-bas. Et ce sont des familles qu'on retrouve d'ailleurs toujours là-bas à Madagascar. Et sur les couples d'hommes malgaches et de femmes blanches, alors j'ai écrit un article sur le sujet qui est paru dans la revue Genre et Histoire. Donc à Madagascar, il y en a un certain nombre. Il y en a 60, je crois, quand on regarde les registres d'état civil, donc essentiellement à Tananarive. Donc évidemment, ça reste extrêmement minoritaire par rapport aux unions inverses, mais c'est quand même relativement important. Donc après, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que les femmes européennes sont en réalité des femmes réunionnaises qui n'ont pas le même statut que les femmes métropolitaines, qui sont souvent des milieux plus pauvres, moins éduqués, et qui ont sans doute aussi un mode de vie plus proche des malgaches. Voilà, c'est ce que je peux dire. Le premier mariage entre un homme malgache et une femme française, c'est en 1914. Voilà. Officiel, oui. Oui, mais oui, enfin, la majeure partie des unions entre hommes malgaches et femmes européennes, de toute façon, c'est un mariage régulier devant l'état civil. Il y a sans doute des cas de concubinage, mais qui sont très très difficiles à trouver et bien, bien moins courants. Alors d'abord sur la question de la goutte de sang blanc. C'est très intéressant de voir que pour l'état colonial, il n'y avait pas de noirs et des blancs, il y avait des citoyens, des sujets. Donc, d'avoir des gens qui étaient des métis, c'était quelque chose de très, très dangereux. Et c'était seulement dans les années 30 qu'ils ont passé cette loi pour dire que le fait d'être métis, d'après les cheveux, la langue, des choses comme ça, on peut accéder à la citoyenneté française. Je suis en train de faire des recherches sur ces dossiers qui sont à Fontainebleau en ce moment pour voir le démarche. Ce sont des choses qui ont commencé depuis les colonies avec un dossier, et puis c'est arrivé au gouverneur, et puis c'était en France qu'on a pris la décision. Mais c'est vrai que pour l'Afrique, par rapport au Vietnam, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont demandé la citoyenneté française. C'était rare, tellement rare. Mais, par exemple, au Gabon, en ce moment, il y avait un jour, je cherchais une femme avec qui je faisais un entretien oral. J'ai demandé les gens, je cherche madame, dadada, personne ne savait. Mais j'ai dit, je cherche la femme métisse. Ils ont dit, ah, la blanche qui habite là. Donc, l'identité, ça dépend. Parce que pour les métisses, ils s'appellent les métisses encore. Le fait d'avoir du sang blanc veut dire qu'ils sont une classe à part. Ils ne sont pas noirs ni blancs, mais métisses. Il y a par exemple, au Gabon, il y a des gens qui se marient entre eux. Ils essaient de retirer ces liens de métisse. Mais au Sénégal, par exemple, il paraît que les gens marient n'importe qui. Donc, il n'y a pas d'identité métisse. Donc, ça dépend de la colonie. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas avoir une métisse, identité métisse qui est partout en Afrique, mais ça dépend de la société aussi. Et ce qui s'est passé en Indochine, en Malgache, est tout à fait différent de l'Afrique. Donc, on ne peut pas parler de la question de métis dans tout l'Empire français, mais ça dépend de la société particulière. Pour la question de... l'accès aux écoles. C'était évident que quelqu'un était métis. On ne peut pas se cacher. Donc, souvent, c'était les missionnaires, les gens qui travaillent pour l'État colonial même, qui ont pris des enfants de la famille pour les envoyer à l'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait cacher. Et souvent, on n'avait pas de choix. Et les mères voulaient envoyer les enfants à l'école parce que c'était mieux pour eux aussi d'avoir l'éducation et d'accéder un peu le statut. Mais la question des femmes blanches qui avaient des enfants métisses. Parmi les documents de l'Union au Sénégal, il y a quelques photos des femmes. Je ne sais pas s'ils sont des Libanaises ou des Françaises. Mais il paraît que c'est en ce moment qu'ils ont circulé ces photos que l'État colonial a commencé à donner des subventions à l'organisation. Donc, je crois que c'était cette apparence qu'il y avait des femmes blanches qui a bouleversé des choses et c'est en ce moment qu'il y avait encore des écoles, des sociétés et tout ça. D'autres questions? Oui. Fatousso, ma question elle s'adresse à Rachel. Hein. Est-ce que dans votre échantillon, vous avez eu toute la génération, parce que quand même moi je suis sénégalaise, hein. Alors le Sénégal, Dakar et Saint-Louis ont eu quand même une population métisse très importante. Et alors pas là, je ne parle pas des générations d'aujourd'hui, hein, mais des générations de gens qui auraient pu être de l'âge ma mère. Oui, on a quand même des familles, Guyabert, Valentin, Crespin, qui ne ressemble pas du tout au modèle que vous avez défini, qui n'épousait pas n'importe qui, hein, qui se mariait soit entre métis, soit enfin, de préférence à des blancs, disons, ou à des métis, mais très peu à des noirs. Moi, je pense au roman de Sadji, c'est Nini la Mulâtresse, qui n'est quand même pas ce que vous avez, enfin, le modèle que vous, dont vous avez parlé à un moment, un des aspects. Et on retrouve avec... vous savez, il y avait un orphelinat qui recueillait des enfants de métis que l'on... qui faisait quand même que ça faisait vraiment un groupe vraiment très particulier. Alors, ça a changé progressivement avec les étudiants en France qui sont revenus avec les épouses françaises et qui nous ont amenés à Dakar, jusqu'à les générations plus jeunes. Et ces métis-là, quand même, ce sont... Enfin, les autres métis parlaient la langue, faisaient tout, mais cherchaient des mariages exogames. Hein. Alors qu'aujourd'hui, bon, comme vous dites, t'imposes n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Est-ce que vous n'avez pas eu cette... My question is a good follow-up to the question. My question is for Rochelle as well. And I was wondering, I think it's really interesting that you're talking about this later generation that's different from the generation that people normally talk about in terms of Métis communities in West Africa. And I'm wondering about placing them historically and socially. I'm wondering if they self-consciously see themselves as different from this other community, the Crespin, the other Senegalese families that are historically seen as being these Métis families. And then because you're talking about it as them seeing, you mentioned, I'm sorry, I came in a little late, but you mentioned how they're trying to construct an identity perhaps more akin to a Pan-African identity, and I'm wondering if it's a Pan-African identity or sort of Pan-Métis identity, because how much are they seeing themselves, are they trying to expand the category of African, or are they making a new category for themselves since they might be seeing themselves differently from the sort of earlier generations of Métis communities? Peut-être s'il y a encore une question et puis on reprend la parole. Alors j'en profite parce que moi j'ai quelque chose à la fois rajouter et demander sur cette question des métis que j'ai aussi beaucoup rencontré en travaillant sur les premières générations de femmes scolarisées en Afrique occidentale française. Je trouve que c'est très intéressant de la relier à la question des mobilisations politiques comme tu le fais à travers cette Union internationale des métis des années 50 que moi je ne connaissais pas, mais par contre dans les années 30 il y a déjà des amicales de métis qui existent dans un certain nombre de territoires, au Mali par exemple, et ces amicales de métis sont des revendications qui sont, enfin pour ce que j'ai pu en voir, parce que c'est pas mon objet principal de recherche, mais qui sont à la fois des revendications de reconnaissance en tant que catégorie différente, des Africains entre guillemets et des Européens, mais aussi des revendications en termes de salaire, parce que souvent ce sont des générations qui ont été donc scolarisées dans les écoles coloniales, qui sont des auxiliaires de la colonisation, qui ont un certain mode de vie au quotidien qui est différent, on va dire, de ceux qui ne sont pas allés à l'école et qui, du coup, se sentent déclassés et revendiquent voilà, une amélioration de leur salaire, de leurs conditions de vie d'une manière générale. Donc, il y a un lien entre l'existence en tant que catégorie métisse et puis une remise en cause de l'ordre colonial aussi dans ses fondements, donc aussi peut-être à travers les demandes de citoyenneté. Okay. Je vais essayer de répondre à la question de Madame So et Laurel, qui sont presque pareils, mais il est évident que les métisses de la première génération se pensent différents. Il y avait même, je rappelle, il y avait une dame qui a fondé le musée des femmes à Gorée, que Pascal me l'a donné son nom. Et je suis allée la voir et j'ai dit, ah, j'ai fait des recherches de métis. Elle a dit, ah, c'est pas moi alors. Vous cherchez les métis de la deuxième génération. Ces gens sont à part. Donc, ils ne se marient pas. Ça, c'est évident. Mais aussi, ce qui est intéressant dans les discours de l'Africain, par exemple, à l'époque de l'indépendance, c'est vraiment une identité pan-africaine, j'aimerais dire, parce qu'ils disent que des gens comme Léopold Senghor, par exemple, qui essaie de dire que l'identité de l'Africain est basée sur le bois d'ébène, les Métis, je vais changer en anglais, c'est mieux, je crois, but the Métis had said that we are not black, but we too are African. So they tried to forward a new identity of African as not just on the darkness of your skin, but African can be various shades of brown. And at the moment, particularly of independence, where they see many posts going to, quote, black Africans, they say that there is, in fact, discrimination against Métis, that they're being licenciés from their posts in favor of putting them to black Africans. And there are legislatures in both Benin and Cotonou and in Dakar who vote that subvention will no longer go towards Métis schools. So there's a moment where they feel extreme discrimination precisely because they are both French and African blood, and they're trying to create, at least in Senegal, trying to create a space for themselves, not as the famille Crespin, who is a part and elite, but rather these people who have no access to material resources, who are poor, who don't have a great amount of education, and want to be part of the new emerging Senegalese nation, and not somehow a part to this. So I do claim that it's not... It is based on these ideas of Pan-Africanism, which is the predominant discourse, but rather trying to open it up and have a much more of a greater sense than that. And again, there's clear distinction too. And then the other thing that's happening in the 1950s are there's another new class of Métis of a lot of Lebanese families, and also those children of African soldiers or Senegalese soldiers who went to France who come back with their French wives, who are also a whole different group, if you will. So lots of distinction amongst the various groups. Est-ce qu'il y a encore une envie de question ou est-ce qu'on fait une pause? Donc François, c'était beau. Donc en fin de séance, je me permets pas une question mais une remarque. En fait, parce que depuis ce matin, je fais des rapprochements dans ma tête entre ce que j'entends et la Première Guerre mondiale. Alors j'ai sur deux plans. Ce matin, d'une part sur la femme de planteur hein, et les commentaires des planteurs hommes. Et qui lui essayait de lui attribuer une grâce, enfin, etc., etc. Vous vous souvenez de ça a fait rire la salle, et ça me faisait penser au discours hein, des contemporains sur les munitionnettes pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire ces femmes qui travaillent dans les usines de guerre, qu'on essayait aussi de, qu'on disait qu'elles bibelotaient, qu'elles faisaient la métallurgie comme du tricot, qu'elles savaient garder toute leur grâce. Et il me semble que dans toutes les situations où les frontières de genre bougent, il y a, comme réaction des contemporains, une façon de dire que le monde ne change pas, en fait, ou de ramener l'inconnu ou le nouveau à du connu. Donc ça, c'était ce matin. Et puis, tout à l'heure aussi, j'ai eu encore une réminiscence de travaux sur la Première Guerre mondiale. Quand j'ai entendu dans les exposés sur le métissage, ça m'a fait penser au débat de la Première Guerre mondiale en France sur les enfants du viol par les soldats allemands. Hein. La question, c'était aussi, est-ce qu'on va en faire des bons Français? Est-ce que l'éducation sera plus importante que le sang allemand dans leurs veines? C'était exactement le débat. Mais ce sont aussi les débats scientifiques de l'époque hein, qui ont perduré longtemps sur le poids, hérédité ou éducation. Voilà, donc j'écoute la colonisation, mais je pense aussi... Merci beaucoup. Mais je vous propose donc qu'on voilà, fasse une pause café ou autre.